Yeah, ok, kéfir, je reste intègre, sincère. Pour les miens, je marche au pas. Retiens bien, mon amitié à moi ne se marchande pas. Ça fait. Je ne pense pas avoir tort quand je dis que les gens sont bornés. Sous alcool, insulte même celle qui les a portés. Les pulsions font mentir, l'émotion nous trahit. Notre courage transpire lorsque la peur nous envahit. Que devient la bravoure, le respect, la modestie? Où sont passés les beaux discours que l'on même temps investir? J'interprète et retranscris ce monde à ma manière. Me fous ton origine, ton département, ta bannière. Je vais me blesser ton orgueil et sa feuille par feuille. Parce que la vérité fâche et que les gens ne pensent qu'à leur gueule. Prends ce recueil de rengaine comme une remise en question. Cesse tes pensées malsaines et tes stupides convictions. Alcool, drogue, chômage, donc manque d'ambition. Entraîne émeute en banlieue et là nous réagissons. Sous ce grand ciel gris, ces maudits tours de béton fleurit une jeunesse à l'écart de vos pavillons. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. J'ai comme une sale impression que je suis constamment pressé. Même si mon but est imprécis, sur mon chemin des murs sont dressés. Quelques potes sont restés, d'autres ont mis les voiles. D'ailleurs je remercie ceux qui m'encouragent depuis l'école. Vos paroles restent gravées, tant de chemin à braver. Notre amitié, rien ni personne ne peut l'entraver. D'après mes proches, mes textes tournent autour des mêmes thèmes. J'écris ce que je pense tant que ma vie reste telle qu'elle. Mon seul problème est d'être en accord avec moi-même. Et tu traves fort, dis-moi où tout ça m'amène. Je suis à la recherche de ma propre estime. Avant que la mort fasse une éruption à tempestive. L'amour est imperceptible lorsque l'angoisse comble l'esprit. La déchéance est nuisible, le suicide nous séduit. Avis au cœur sensible de se former une carapace. La mienne reste l'écriture et ce pavé que je froisse. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Certaines personnes mettent du temps à te dénigrer. Le vrai visage de l'homme, impossible de le vérifier. Une pincée de je t'aime fait que ta vision soit trouble. Si je peux te donner un conseil, fait que tes projets soient souples. Car du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Tout est possible, rien n'est sûr, le futur ne peut se calculer. Tout est logique, où sont tes valeurs et tes principes? Tu oublies même ton créateur, quand ça t'arrange, tu me fatigues. Tu donnes la leçon, mais ne respecte pas ta morale. Tu critiques, tu parles, mais toi aussi t'es loin de l'idéal. Loin de l'image parfaite que tu cherches toujours à refléter. Le fait est qu'on sait tous à peu près le réfracter. Commence tout simplement par te respecter. Cesse de parler des gens, regarde-toi avant de critiquer. Je sais, cette devise est connue, mais peu de gens l'appliquent. À quoi bon sert les grandes théories quand on peut les mettre en pratique? Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Je reste intègre, sincère pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans ce monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perfore. Hey yo, c'est que dire. We'll be right back.